à Paris. Adieu joli Candy, une voix t'appelle. C'est l'heure déjà de t'en aller. Adieu joli Candy, tu m'écriras, tu le dis, mais on dit toujours ça. Adieu joli Candy, je regretterai ton sourire et tes fautes de français. Adieu joli Candy, adieu joli Candy. Je deviendrai un souvenir, une photo de vacances. Adieu joli Candy, celui qui t'aime là-bas, et il a bien de la chance. Adieu joli Candy. Adieu.